Section 23 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 23. Les amours de Gilles, livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 6. Le petit abbé. Le lendemain, lorsque Pietro arriva à l'université, au beau, on l'avertit chez le portier que le père Gallo désirait lui parler en particulier. Il traversa la première cour, où sont rangés les bustes des doges, gagna l'escalier du cortile, suivit les galeries que décorent les écussons des nobles écoliers et parvint à la petite chambre qu'occupait l'excellent prêtre. C'était une cellule que cette chambre de l'illustre professeur. Il y avait un lit, un crucifix, du papier, des livres, rien de plus. Le prêtre parla avec sa franchise et son laconisme ordinaire. « Mon enfant, dit-il, vous étiez l'un des bons élèves de mon cours et l'on pouvait croire que malgré l'impétuosité de votre caractère, une réelle vocation vous poussait vers l'état ecclésiastique. Mais voici que votre conduite a changé depuis que le théâtre est ouvert. Vous ne travaillez plus. Et ce qui est plus grave, vos pensées sont fort détournées du but sérieux auquel vous tendiez sans relâche. Croyez-vous que ce soit l'effet d'un sentiment passager ou bien sentez-vous que la vie du monde a d'irrésistibles attraits pour vous ? Il va falloir examiner l'état de votre âme et vous décider en toute conscience, et cela sans calculer le chagrin que pourrait faire à votre oncle l'abbé un changement de carrière de votre part. Allez, mon enfant, vous me répondrez dans 8 jours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Songez qu'il n'y a rien de pire au monde qu'un mauvais prêtre et épargnez-moi le chagrin d'en avoir un parmi ceux que j'aurais conduits à l'ordination. » Pietro s'inclina et sortit, tout étonné de ne sentir aucune protestation venir à ses lèvres. Un mois plus tôt, il se fût jeté aux genoux de son professeur et lui eût promis de reprendre une vie exemplaire. Le détachement qui s'était fait en lui, à son insu, le surprenait comme une chose qui se serait accomplie pendant qu'il n'était pas là. Il s'interrogea et ne se sentit pas un regret, pas un retour d'âme vers les choses qui lui paraissaient seules dignes d'occuper son esprit il y avait si peu de temps. Cependant, la pensée du chagrin qu'il allait faire à son oncle l'attrista. En un instant, son enfance se déroula devant ses yeux. Il se vit tout petit, orphelin, abandonné, recueilli par ce bon prêtre de campagne qui était son oncle, élevé par lui avec les soins d'une paternité qui s'était éveillée tard dans le vieil homme, mais qui par cela même était infiniment sage et douce. Il se rappela ses colères d'enfant, la patience que son oncle avait mise à redresser sans rudesse son caractère naturellement difficile et emporté, et les premières leçons qu'il lui avait données. Le bonhomme avait trouvé toutes les joies de sa vie dans l'accomplissement de ses devoirs de prêtre. Il était naturel qu'il rêvât pour son neveu, pour son fils, comme il l'appelait, la même vie digne et tranquille, et de laquelle il voyait de si haut, avec une si sage indifférence, les futiles agitations des hommes. Pietro savait bien ce qu'il lui devait à cet oncle aimé, la science primaire que lui avait permis de faire ensuite de très solides études, et surtout l'amour et l'habitude du travail. Quand l'oncle avait compris que le neveu n'avait plus rien à apprendre de lui, il s'en était bravement séparé. Il l'avait envoyé à Padoue, après lui avoir remis le petit héritage qui lui venait de sa mère, en tout 3 000 ducats, pour qu'il pût fréquenter l'université bien chaudement recommandée au père Gallo. Pietro était de famille noble. Il était né à Venise, dans cette grande maison de la paroisse Saint-Barnabé, où la Sérénissime recueillait les veuves de ces praticiens sans fortune. Il pouvait donc aspirer à des dignités ecclésiastiques, mais son oncle, tout en le laissant libre de monter aussi haut qu'il voudrait, ne souhaitait au fond du cœur pour lui qu'une modeste cure semblable à la sienne, dans les vertes campagnes enguirlandées de vignes du Frioul vénitien. Pietro avait 20 ans, il était brun, son visage très régulier, avec une extrême mobilité. Il était grand, élégant, d'une souplesse merveilleuse. Il adorait les exercices du corps. En somme, il était mieux fait pour devenir un brillant officier que pour briguer les paisibles emplois de l'Église. Mais les tuteurs, si dévoués qu'ils soient, ne voient pas toujours d'un œil avisé les dispositions naturelles de leurs pupilles. L'étudiant songeait à ces choses pendant le cours, auquel il assistait sans l'écouter, et ses yeux se mouillaient, car il sentait maintenant la force de la passion qui était en lui. Revenir en arrière, se raidir contre le charme qui l'obsédait, faire appel à sa volonté, le pouvait-il ? Sa volonté était d'aimer Séraphine, elle était liée, annihilée, comme toutes les autres facultés. Cette volonté que l'on suppose toujours libre est supérieure à la passion humaine. Chez les gens du caractère de Pietro, la passion gouverne l'être tout entier. C'est la complète possession contre laquelle l'Église usa ses exorcismes pendant tant de siècles. La nouvelle que lui apprirent à voix basse deux élèves arrivés en retard à la classe vint le distraire de ses pensées. De bruit courait dans la ville que la représentation du soir n'aurait pas lieu. On parlait non seulement d'une défense du podestat, qui, sur les avis du réformateur et du recteur magnifique de l'université, interdisait la pièce intitulée « Les fourberies de Colombine », mais encore d'un grave dissentiment entre le prince Girolamo, propriétaire du théâtre, et la signora Séraphine, soubrette de la troupe Cornelio, et qui passait pour avoir été jusque-là sa maîtresse. Ces nouvelles agitèrent vivement Pietro. Il ne savait pas que Séraphine eut rien de commun avec le vieux prince, et le serrement de cœur qu'il en éprouva fut contrebalancé par la joie de savoir qu'il y avait rupture entre eux. Tout de suite, avec cette lucidité que les amoureux ont par accès, quand amour a le caprice de soulever le bandeau qu'il leur a mis sur les yeux, il comprit qu'il était la cause de la querelle, et que les déclarations de la petite Espagnole n'avaient pas échappé au prince Girolamo. Mais en même temps, amour avait replacé le bandeau. Il se crut engagé à ne pas laisser son amie sans secours. Que pouvait-il donc faire pour elle, le pauvre clerc ? Cependant, la nouvelle avait couru le long des bancs, par ce phénomène de transmission qui fait qu'un collège tout entier est averti de la moindre aventure avant que les professeurs en aient le plus vague soupçon. Une grande irritation se manifesta, toujours appréciable pour les seuls initiés, et la commune opinion fut que le podestat en prenait trop à son aise. On ne traitait point une ville d'université comme une agglomération de simples bourgeois. Ce podestat allait bien voir que l'on ne touchait point au plaisir des écoliers sans leur permission. Et avant même que les cours ne fussent terminés, on savait déjà qu'une réunion allait avoir lieu, dans laquelle il serait décidé que les étudiants s'opposeraient de toute manière, et surtout par la force, à ce que l'on fermait le théâtre de Maître Cornelio. Ils étaient 18 000, l'orgueil de la République. On allait voir qui l'emporterait. La sortie fut tumultueuse, au grand étonnement des professeurs, qui s'interrogeaient les uns les autres. Les étudiants se donnaient rendez-vous au Prato de Laval pour y discuter de leurs intérêts. Là, dans la grande prairie, sur des tribunes improvisées, un tonneau, une table, réquisitionnés chez quelques marchands ahuris par une brusque invasion. Les orateurs parlèrent, dénonçant l'oppression du gouvernement de la ville, l'autocratie du podestat et du capitaine, et à la surprise de tous, L'étudiant en théologie, Pietro, se fit remarquer par son ardeur et par sa violence. Les étudiants en théologie étaient toujours en butte aux plaisanteries de leurs camarades des autres facultés. Leur visage était tourné en ridicule. On les appelait les petits abbés. Jamais ils ne se mêlaient aux manifestations tapageuses. L'apparition de Pietro sur une des tribunes improvisées fut saluée par un tonnerre d'applaudissements et le plan de conduite qu'il proposa agréé sur le champ. Il avait toute l'autorité d'un modéré qui montre tout à coup les dents. Les motions qu'il lançait, si enragées qu'elles fussent, semblaient très sages, venant d'un petit abbé. Pietro proposa qu'un député fût envoyé au directeur Cornelio pour s'enquérir, au nom des écoliers, de la réalité des bruits qui couraient dans le public. Après cela, on s'armerait et on garderait la salle s'il y avait lieu. Le syndic des écoliers qui se trouvait là fut prié de représenter la confrérie. Mais il refusa, objectant très raisonnablement qu'il ne convenait pas de le mêler à la démonstration, puisqu'il aurait peut-être à l'excuser plus tard devant les sages de la seigneurie. Quelqu'un émit alors l'avis que l'auteur de la proposition devait être choisi comme député. Cela fut voté d'acclamation. La gaminerie ne perd jamais ses droits dans les réunions de jeunes gens. Il sembla très piquant d'envoyer le petit abbé dans les coulisses. Fin de la section 23, lue par Margot.